Vous écoutez Radio Isanganiro, votre station de référence. Et merci de nous recevoir chez vous. C'est le rendez-vous de l'actualité en français, la grande édition de cette mi-journée. Nous sommes lundi 26 octobre 2020. D'abord, les grands titres. Début ce lundi du recensement général de tous les fonctionnaires de l'État. Et c'est un recensement qui va durer 2 jours en province de Gitega, la capitale politique du Burundi, là où nos reporters ont pu visiter le problème de connexion handicap et cette activité qui se fait de façon électronique. L'Office burundais des recettes OBR demande aux hôteliers de déclarer à temps et d'éviter des spéculations en utilisant des facturiers admis par cet office. Quant à la chambre sectorielle de l'hôtellerie et tourisme, elle demande plutôt à l'OBR de fermer toutes les maisons de passage non enregistrées qui minent le fonctionnement de ce secteur. Dans ce journal également, la rédaction Isanganiro vous fera une lecture de la loi portant sur l'organisation de l'administration communale de février 2020. On parlera dans cette édition d'émission d'un chef de zone. Et c'est lundi, vous en êtes habitué, nous vous proposons la chronique sportive aujourd'hui. Elle sera centrée sur la nécessité du sport pour les personnes âgées. Je m'appelle Aimé Richard Nyonguru, votre compagnon de route dans cette édition, mise à nom de par Alphonse Koubguiman. Rebonjour et bonne réception. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je le disais tantôt, début ce lundi du travail de recensement des fonctionnaires de l'État, ce travail qui se déroule au sein de tous les services publics. C'est un recensement qui vise à identifier tous les salariés de l'État, a précisé le ministre de la fonction publique. Ce recensement qui va durer 2 jours à partir de ce lundi se fait de façon électronique. Le problème de connexion, la lenteur due au réseau ainsi que certaines options qui ne peuvent pas contenir dans certains logiciels sont certains problèmes que rencontrent certains directeurs des écoles de la ville de Gitega et de ses environs. C'est au moment où, comme je le disais, le recensement général des fonctionnaires de l'État a débuté ce lundi. De Gitega, nous appelons notre confrère Arthur Kavabouchi. Certains établissements scolaires que nous avons visités, les directeurs étaient en train de faire ce travail de recensement du personnel sous leurs ordres. À l'Ekofo Rutegama, à 9h20, le directeur nous a fait savoir qu'il avait déjà enregistré 2 enseignants à raison de 30 minutes chacun. Mais ce directeur a révélé à la radio Isanganiro qu'il y a un problème de réseau parce que là où est implantée cette école, il y a un problème de connexion, ce qui est à l'origine de la lenteur. Quant à l'Ekofo Musinzira 1, à 9h57, le directeur a indiqué qu'il n'avait enregistré aucun enseignant. La cause est que même ce qu'il avait déjà enregistré, il a eu un problème d'envoi à cause du problème de connexion. Même chose à l'Ekofo Musinzira 2 et à l'Ekofo Rukundo. Partout, il n'avait enregistré personne à notre passage à cause du problème de connexion. Les autres directeurs contactés ont indiqué que leurs téléphones ne peuvent pas contenir le logiciel utilisé et ont dû louer des téléphones à de tierces personnes pour pouvoir faire ce recensement. Ces directeurs disent que le délai de 2 jours alloués à ce travail est trop court vu toutes les difficultés qu'ils sont en train d'avoir. En plus, même les cases à compléter sont nombreuses. Ils demandent qu'on leur donne quelques jours de plus. Ce travail de recensement des fonctionnaires de l'État qui a débuté ce lundi dans tout le pays va s'achever ce mardi. Arthur Kava Ushigitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Page gouvernance à présent. Le chef de zone est nommé par le gouverneur ou le maire sur proposition de l'administration communale et après l'avis des conseils communaux. Dans la loi portant sur l'organisation de l'administration communale de février 2020, parmi les missions de ce chef de zone figure l'animation et la coordination des activités de développement initiées par la commune. Ce texte prévoit aussi la mise en place du secrétaire exécutif permanent dans chaque commune. Eli Nibel Nibigil. Dans cette loi promulguée le 19 février 2020, le chef de zone est choisi parmi les natifs ou les résidents de la zone. Les citoyens résidents doivent avoir une ancienneté d'au moins 3 ans dans la zone, comme stipulé par l'article 60 de ce texte. Pour que le chef de zone soit destitué, c'est la décision prise par 2/3 des membres du conseil communal. Le chef de zone est le représentant de l'administrateur communal dans le ressort de sa circonscription. Entre autres attributions, le chef de zone doit animer et coordonner les activités de développement initiées par la commune sur les collines ou quartiers de sa zone, transmettre à la population de la zone tout message, toute communication utile à la demande des autorités communales, transmettre les préoccupations de la population habitant sa circonscription, ainsi qu'assurer toute autre tâche lui déléguée par l'administrateur communal. En cas d'empêchement temporaire de l'administrateur communal, stipule toujours ce texte, la suppléance est assurée par le secrétaire exécutif permanent de la commune. Si ce dernier est empêché à son tour, il est assuré par le conseiller chargé des affaires politiques, administratives, juridiques et sociales. Le secrétaire exécutif permanent, de même que les conseillers de l'administrateur communal, doivent avoir le diplôme de niveau universitaire. Les candidats au secrétariat exécutif permanent sont proposés par l'administrateur communal après l'avis du conseil communal. Eli Nibel, Nibigila, cap sur Caroussi, où le manque de matériel laboratoire, l'insuffisance des lits et matelas dans les dortoirs sont certains défis auxquels fait face l'Institut technique agricole du Burundi, Itab en sigle, de Caroussi. Désiré Ngendakoumana, directeur technique à cet institut, précise que même les élèves n'arrivent pas à acquérir des connaissances comme il se doit. Il demande au ministère en charge de l'éducation de trouver solution à tous ces défis. Jean-Marie Mayonga, ici. Il s'y est rendu, il est de retour. Voici son reportage. L'Institut technique agricole du Burundi, ITAB, se trouve dans la province de Karoussi. Plus de 90% des élèves sont internés. Désiré Ngendakoumana, directeur technique à cet institut, dit que le manque de matériel au laboratoire, les lits en nombre insuffisant, présente un défi majeur à cet institut. Il précise également que les travaux pratiques sont moins dispensés. Nous enseignons dans le système que l'on appelle APC, approche par la compétence, qui exige que les enseignants dispensent beaucoup plus de travaux pratiques que les théories. Mais puisque nous ne disposons pas du matériel en suffisance, on a tendance à continuer à enseigner beaucoup de théories que des pratiques. Auparavant, ici, vers les années 2005, on a enregistré seulement au plus de 150. Mais vous comprenez que les effectifs doublent presque, mais le matériel pour accueillir ces élèves n'a pas augmenté. Il y a aussi un défi d'une clôture pour le tableau. Parce que auparavant, dans les écoles techniques, surtout ici, on avait l'habitude d'orienter des gens qui sont mûrs, qui savent ce qu'il faut faire. Mais maintenant, puisque les élèves de l'école fondamentale ont augmenté, mais qui ont en bas âge, ils ont tendance à sortir n'importe comment. Désiré Ngendakoumana demande au ministère ayant l'enseignement dans ses attributions de leur octroyer du matériel suffisant et surtout au niveau du laboratoire. Nous recommandons à ce point que le ministère ayant en charge l'enseignement puisse nous octroyer du matériel, surtout au niveau du laboratoire ici, mais aussi disponibiliser du manuel, que ce soit pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants. L'Institut technique agricole du Burundi, ITAB, abrite jusqu'à aujourd'hui 435 élèves répartis en 4 sections, dont l'agriculture vétérinaire, eau et forêt, transformation industrielle et agroalimentaire. Merci Mayonga. Et tant qu'on parle de l'éducation, le manque du personnel enseignant qualifié et celui du manque du matériel didactique sont certains défis qui hantent le bon fonctionnement des centres d'enseignement des métiers pour les élèves qui n'ont pas réussi au concours national. Le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique qui le dit trouvait que certains parents ainsi que certains élèves ne comprennent pas l'importance des métiers. Liboire Bigirimana demande la sensibilisation de la part de l'administration à la base et en collaboration avec les parents sur le rôle de ces centres d'enseignement des métiers. Suivez-le. Il est au micro de notre confrère Ezekiel Ndikumenay. Ce qu'il faut savoir, c'est que le centre d'enseignement des métiers, c'est une politique du gouvernement, parce que l'idée du gouvernement, c'est de permettre aux enfants qui ne peuvent pas réussir au concours national organisé au niveau du fondamental d'être casés dans le but de leur enseigner un métier avec un objectif d'assurer leur insertion socio-professionnelle. Sur la problématique de fonctionnement, évidemment, c'est une question qui est là, qui est sur le terrain. Pourquoi est-ce que les CM aujourd'hui ont des difficultés de marché, mais ce n'est pas vraiment à généraliser? C'est parce que et les parents et les élèves et l'administration à la base n'ont pas encore compris que le métier est très important. Le métier peut générer des revenus plus que le métier d'enseignant, plus qu'un autre métier rémunérateur à travers la fonction publique. J'interpelle donc une collaboration entre les différents centres d'enseignement des métiers pour permettre à un centre qui n'a pas d'équipement, de pouvoir utiliser l'équipement qui se trouve disponible dans un autre centre au nom de la complémentarité. Mais l'idée aussi, c'est de sensibiliser les parents, c'est de sensibiliser l'administration à la base et surtout les apprenants de comprendre qu'un métier peut être promoteur d'une autopromotion économique, mais aussi d'une promotion de l'économie du pays. Liboire et Bigiliman ajoutent également que le gouvernement est en train de tout faire pour redynamiser ce secteur, mais demande toutefois la contribution des administrateurs communaux qui enregistrent ces centres d'enseignement des métiers. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h08 sur Isanganiro, plus de 3 milliards et 800 millions de nos francs. Telles sont les recettes enregistrées par les éleveurs des provinces Ngozi et Kayanza ayant vendu leur production laitière dans des coopératives construites par le programme de développement des filières Prodéfi en sigle durant les 10 dernières années des activités du Prodéfi 1. C'est l'annonce de David Nzisabila, coordinateur de ce programme dans la région nord du Burundi, dans un atelier d'achèvement du Prodéfi 1 ce lundi en province Ngozi, d'où nous appelons notre confrère Apollinaire Muzagar. Des vaches de race frisonne ont été données dans des ménages identifiés des 13 communes des provinces Kayanza et Ngozi, communes dans lesquelles le Prodéfi exerce ses activités. Depuis 2012, 3257 frisonnes ont été distribuées. Ces vaches ont mis bas et étaient en septembre dernier au nombre de 6828 qui ont été données à plus de 6000 bénéficiaires des deux provinces par le biais de la chaîne de solidarité bovine. Ces éleveurs ont acheminé plus de 6 300 000 litres d'eau aux 10 centres de collecte de lait construits par le gouvernement burundais par le biais du Prodéfi à raison de 600 francs le litre de lait, soit une somme de plus de 3 828 millions de francs bourg qui sont entrés dans la population bénéficiaire de ces 13 communes. À part cette filière lait, David Ndissabira, coordonnateur du programme de développement des filières dans la région nord, évoque d'autres réalisations qui ont fait croître l'économie de ces ménages. Il parle entre autres de 1 460 hectares de marais aménagés, 13 150 hectares de bassins versants protégés et autres. Que ce soit David Nzisabira ou Vito Jean-Paul, coordonnateur national du Prodéfi, tous demandent à l'administration à la base et au groupement coopératif mis en place d'aider pour la pérennisation de ces acquis après décembre, le départ donc du Prodéfi 1. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Merci Apollinaire. Et les personnes, la mise en place des stratégies de développement du commerce intérieur et extérieur et la poursuite du processus de fusion de la Sobujeya et Air Burundi sont certains des projets envisagés par le ministère du commerce et du transport et du tourisme, honorable Immaculé Ndabaneze, ministre ayant en charge le commerce dans ses attributions, l'a dit ce lundi lors des réalisations du premier trimestre 2020-2021. Elle fait savoir que la plupart des actions prévues ont généralement été bien réalisées malgré l'insuffisance des moyens. En page sportive, la formation masculine Gacosmos et Lukinzo en volleyball ont validé ce dimanche leur ticket de disputer la finale de la première édition du tournoi des héros nationaux en volleyball. Lors des matchs comptant pour la demi-finale, Gacosmos a battu Amical 3-7-1 au moment où l'équipe policière Lukinzo a éliminé la formation militaire de Muzinga sur un score de 3-7-0. Côté féminin, Genda Light Club et Muzinga s'affronteront dans cette finale prévue ce samedi le samedi de cette semaine en commune Mutaho de la province Gitega. L'autre actualité sportive, c'est dans cette chronique sportive. Sanganiro, chronique sport. Les personnes âgées peuvent faire des exercices physiques au moins pendant 30 à 45 minutes par jour pour le bien-être de leur santé. C'est un conseil d'un expert dans le domaine. En même temps, l'entraîneur de Gym Tonic, Eric Manilakis, explique que les personnes de cette catégorie du troisième âge qui ne pratiquent pas le sport sont victimes des maladies chroniques. Les détails dans cette chronique sportive signée Oban Nyonghu. Les personnes âgées peuvent faire le sport 3 à 4 fois par semaine pour le bien-être de leur santé. Cela est dit par Eric Manilakiza, expert dans le domaine de l'éducation physique, en même temps entraîneur du sport de Gym Tonic. Une personne âgée peut faire le sport de 3 à 4 fois par semaine. Un sport de 30 à 45 minutes ou bien une heure. Il peut faire la marche, ça dépend de ce qu'il aime. Il peut faire le jogging, il peut faire la natation, il peut faire la Gym Tonic, c'est très bien aussi. Il indique que les personnes âgées qui font le sport n'attrapent pas facilement les maladies chroniques comme l'hypertension. Donc les avantages, il y a l'absence de ces maladies chroniques, il y a l'absence de l'hypertension, il y a l'absence du diabète, il y a l'absence des maladies du cœur. Je dis qu'il y a une bonne santé quand il fait le sport. Le diabète et les maladies du cœur sont certaines des maladies qui attaquent le plus souvent les personnes âgées qui ne pratiquent pas le sport, selon toujours Eric Manilakiza. Une personne de troisième âge peut pratiquer le sport parce que cette personne-là a des difficultés, parce qu'il a 60 à 65 ans. Donc, s'il ne fait pas de sport, bienvenue les maladies chroniques, bienvenue l'hypertension, bienvenue le diabète, les maladies du cœur aussi. Une personne âgée qui ne fait pas de sport, il a des difficultés et aussi pour la société, vous voyez, c'est très grave, les consommations à la maison. Donc, il faut les inciter aussi à faire du sport. Cet entraîneur de Gym Tonic conseille aux personnes âgées de la catégorie dite de troisième âge de s'intéresser beaucoup plus au sport et de consulter les nutritionnistes afin qu'ils leur prodiguent des conseils concernant le genre d'aliments qu'ils peuvent consommer. Oban Nyonghuru, merci. Merci aussi à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive. Il est 13h15 sur Isanganiro. C'est la fin de cette édition. Merci à Alphonse Koubguimana qui a assuré la mise en onde. Ce journal vous a été présenté par Aimé Richard Nyonghuru. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.